boîte à troubadour, c'est le retour des refrais, parés, blindés. Hey, toujours prédisposé à enchaîner les mots. Enchaîner les mots. Oh. Hip-hop sensé, sans sucer la SACM. C'est du carry sans thème, sans prison thème. J'ai coupé la tête de la méduse pour niquer le kraken. Ici trop de potes ont fait l'effort. J'ai dédicace à motherfuck à ses enfants de salaud. C'est pour te zig sur le micro. Le mec qui s'excite sur tous les tempos. Je fais des jeux de mots avec tous les mots. J'ai même pas lu en entier le G-code. Yeah, mon son est fluide, lipide, rempli de glucides. Ça suscite des décibels. Toujours courtois mais distant comme Dev Blunt, j'prends ma distance. Je veux pas finir en tête d'affiche placardée partout. Moi le plus petit babtou, j'évite les jaloux. La gloire j'en veux pas, non non, j'vous la laisse. J'suis pas tout tenu en laisse, remballe ton cash. Si si ça se monnaie cash sur le terrain. Notre CD il est à l'œil, tu cliques, c'est deux clics. C'est direct envoyé sur MSN, sur Facebook. A la fille au milieu, mon son c'est des filets mignons. J'me faufile dans la chanson comme la pomme dans le chausson. Comme un ivrogne face à la boisson, j'peux pas me passer de bon son. Chaque jour confusion, grosse consommation, overdose de violence. C'est violent dans les bas-fonds. Yeah, protège ton bastion. Yeah, ça résonne dans les caissons. Yeah, sur ce son tu peux y aller. Lever les bras, faire la hola. Faire des combats, des combos. Avec les bras à tous tes potos. Démarrer plein gaz sur ta moto. Mon son c'est un tasse coupé à l'héros. Un kamikaze prêt à casser des chicots. Un chicot est vitaminé, tu speed toute ta journée. Mon son est violent percutant comme un uppercut dans le tympan. Moi et le refrain, on est des buffalo soldiers. On représente ici et ailleurs. On passe notre temps à faire du freestyle. Toujours à la recherche d'un nouveau style. Jimmy Master Blaze. T'entendras rarement un rappeur te dire qu'il est honnête. Qu'il se débat pour défendre la planète. Le rap c'est un putain de business. Dans ce biz tout le monde veut percer. Yeah, mais c'est pas si facile de percer. Hey, surtout quand tu connais personne que placer. Si t'as pas un producteur OP motivé. Hey, si tu sais pas lâcher des textes crus. Si tu viens pas de la rue, tu seras jamais connu. Attention, je t'en ai prévenu. C'est la bastos du rap français. C'est un son qui va te balafrer à vie, mon gars. Ok, mon gars, je t'ai vu venir à des kilomètres. Et si j'ai pas de danger de trottoir, c'est que je veux te la mettre. T'as vu ma mouille, t'as cru qu'elle me dépouille. Eh mais mon gars, j'suis boxeur, ça fait 3 ans que j'frappe dans sa 80 kilos. Le premier qui teste, il va perdre des chicots. Jimmy Master Blaze, F2X dans les studios. On va réveiller les nerveux, on va calmer les esprits. Les calmer, calmer, calmer. Toujours courtois mais distant, nous on est à 200%. On vit le moment présent, on encule tous les médisants. Excuse-moi si j'suis grossier, mais c'est parce qu'ici y'a du gros dossier. Y'a des trucs à parler, du rap français. Apparemment le truc est bombé. Ok, sache que j'ai mon diplôme de boucher. Hey, et que je vais couper ça sérieux.